بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va donc à la page 4. L'auteur qui nous dit rahimahullah est dans le même recueil, dans un hadith qu'il a jugé authentique d'après Abdullah ibn Amr, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il sera dit au lecteur assidu du Coran, lis, monte et récite comme tu le faisais dans le bas monde, car ton rang sera au dernier verset que tu réciteras. Allahu Akbar. Le même hadith est dans le recueil d'Ahmed, d'après Abu Sa'id, qu'Allah l'agrée. Il est mentionné, alors il lira et montera d'un degré pour chaque verset jusqu'à ce qu'il lise le dernier verset qui est avec lui. Et donc ici on voit la grande récompense qu'il y a dans le fait de lire le Coran, de réciter le Coran avec assiduité. Mais ici il lui est demandé donc de réciter. Pourtant, c'est connu que dans l'au-delà, ce n'est pas un dar taklif, c'est-à-dire que on n'est pas chargé d'accomplir des œuvres dans l'au-delà. C'est ici-bas on est chargé de faire la salade, de lire le Coran, d'apprendre. Et dans l'au-delà, cet homme va réciter. Mais il ne faut pas comprendre ici que c'est donc une charge qu'on lui a demandé d'accomplir. Ici, cet homme, c'est une récompense. Il prend du plaisir à réciter le livre d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Et donc, de la même manière que ici-bas, il prenait du plaisir à réciter le livre d'Allah, dans l'au-delà, il va prendre du plaisir à réciter le livre d'Allah, et à chaque verset qu'il récite, il monte en degré. À chaque verset qu'il récite, il monte en degré. Et donc il faut, barakallahu fikoum, ça nous pousse à faire des efforts pour réciter le livre d'Allah, pour beaucoup lire le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais attention, Cheikh Al-Albani ici, il cite une parole qui est très importante. Je vais vous citer la parole de Cheikh Al-Albani concernant ce hadith. Il dit: yushtaratu an yakuna hafidahu li wajhillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراءها. Il dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, par contre, pour bénéficier de cette récompense, le fait de lire le Coran dans l'au-delà et d'être élevé en degré pour chaque verset qu'il récitera, il dit, il est mis en condition que cette personne ait mémorisé le Coran pour la face d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour Allah azza wa jal qu'il a mémorisé le Coran. Il dit, car certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la plupart des hypocrites de ma communauté sont ses récitateurs, les récitateurs de la communauté. La plupart des hypocrites de la communauté sont ses récitateurs. Et donc ça nous montre que l'importance que lorsque tu mémorises le Coran, tu le fasses pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Rappelez-vous ce hadith, donc cet homme, ces premiers qui seront jetés dans le feu, il y a cet homme qui apprenait la science, apprenait le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il est jeté dans le feu. Et il dit, oh, ya qara'tu al-Qur'an fik, j'ai récité le Coran pour ta cause. Tu as menti, mais tu as récité pour que les gens disent que tu es un récitateur. Et certes, cela fut dit. Les gens ont dit, mashallah, récitateur, mashallah, comment il récite bien le frère. Mais au final, c'est pas profitable, c'est du vent. Tu as eu un court plaisir ici-bas, les gens t'ont monté. C'est un court plaisir. Et donc, c'est pour ça que c'est important que quand tu fais ça, il faut absolument que tu aies la bonne intention pour Allah Azza wa Jal. Ne recherche pas les éloges des gens. Ne recherche pas les éloges de qui que ce soit. Quand tu fais un acte d'adoration. Il continue l'auteur, rahimahullah, il nous dit, l'imam Ahmed relate également dans son recueil de Bouraïda, dans son recueil que Bouraïda, radiallahu anhu, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, étudiez la sourate la vache. Puis, il cite le même récit rapporté dans le recueil authentique concernant la vache et la famille d'Imran et ajoute, certes, le Coran rencontrera son compagnon au jour de la résurrection. Quand sa tombe s'ouvrira, sous l'apparence d'un homme dont la couleur et le corps auront changé. Et il lui dira, ici, les savants nous disent l'apparence et le corps de cette personne, c'est-à-dire une personne qui est fatiguée. Et donc le Coran viendra voir la personne au moment où sa tombe s'ouvrira, mais avec l'apparence d'une personne qui a été fatiguée. Pourquoi ? Parce que cette personne qui vient de se ressusciter de sa, qui vient d'être ressuscitée et qui va sortir de sa tombe, cette personne, elle se fatiguait dans la dunya pour lire le Coran. Là, les frères, vous voyez bien, on est en train d'étudier, essayer d'apprendre les mérites du Coran. Il est quelle heure ? On a envie de dormir. Mais on se bat contre notre nefs pour rester éveillé, hein, pour apprendre et profiter. Et donc cette personne-là, elle se battait contre elle-même pour rester éveillée pendant la nuit quand les gens dormaient, pour lire le Coran et l'étudier. Elle se battait dans la journée pour trouver du temps pour lire le Coran et l'étudier. Et donc au jour, cette personne s'est fatiguée. Parce que c'est pas facile, c'est éprouvant. Au jour de la résurrection, le Coran viendra à cette personne avec une apparence de quelqu'un qui a changé. Son corps s'est fatigué tellement la personne, son corps a changé tellement la personne s'est fatiguée. Et donc le Coran viendra à cette personne. Il lui dira alors, est-ce que tu me reconnais ? Il répondra, je ne te connais pas. Il dira, est-ce que tu me reconnais ? Il répondra, je ne te connais pas. Il dira, je suis ton compagnon, le Coran, celui qui t'a assoiffé durant les journées et qui t'a fait rester éveillé durant les nuits. Il t'a assoiffé durant les journées. Il est là, il récite, tu récites, tu récites, ça donne soif. Tu continues de réciter. Et le Coran t'a fait rester éveillé durant les nuits parce que tu t'efforces à rester éveillé, à ne pas dormir parce que tu veux lire le Coran. Certes, tout commerçant est derrière son commerce, mais toi, aujourd'hui, tu es derrière tout négoce. Tout commerçant est derrière son commerce. Hein? Tu ne vas pas trouver un bon commerçant qui va ouvrir son commerce et qui va laisser les employés comme ça. Allez, maintenant, c'est vous qui gérez et il ne va pas surveiller. Tout commerçant, il va être derrière son commerce. Il va regarder qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les comptes, qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti, etc., etc., etc. Lui, il faisait la même chose avec le Coran. Est-ce que j'ai lu? Est-ce que j'ai si? Il a son wird, il a sa quantité de Coran qu'il lit régulièrement, tous les jours. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Certains vont avoir des objectifs dans la dunya. Le commerce, il faut que cette année on fasse tant de chiffres d'affaires. C'est ça l'objectif. Et dans le Coran, c'est quoi ton objectif? Quel est ton objectif au niveau du Coran? Et donc lui, cet homme au jour de la résurrection, il est derrière tout négoce. La royauté lui sera alors donnée dans sa main droite et l'éternité dans sa main gauche. On mettra sur sa tête la couronne de la majesté. Et il sera donné deux tenues à ses parents que personne ici-bas ne peut estimer. Deux tenues à ses parents que personne ici-bas ne peut estimer. Ils diront alors, les deux parents de cette personne, d'où vient ce vêtement que nous avons fait porter, qu'on nous a fait porter ? On leur dira, par le fait que votre enfant ait appris le Coran. Puis, il lui sera dit, lit et monte dans les degrés du paradis et dans ses chambres. il ne cessera de monter tant qu'il lira rapidement ou doucement. Et donc, il y a dans ce hadith donc, les mérites du compagnon du Coran. Donc, l'homme, il a dit, le Coran qui dira à cette personne, je suis ton compagnon. Ton compagnon, c'est-à-dire que cette personne, elle donnait beaucoup de temps au Coran. Cette personne, elle lisait le Coran, elle cherchait à comprendre le Coran, elle œuvrait avec le Coran. C'est ça le compagnon du Coran. C'est pas juste la lecture à chercher à... Allez, faut finir. Allez, la musique, alhamdoulilah, la première page, là. C'est pas ça. Tu lis, tu essaies de comprendre. Tu essaies d'œuvrer avec. C'est ça le compagnon du Coran. Ensuite, barakallahu fikoum, il y a aussi dans ce hadith un point important, c'est que ce que l'enfant fait comme bonne action, ses parents vont en bénéficier. Les parents bénéficient de la bonne action de l'enfant. Quand les parents sont musulmans. Ça, c'est la condition obligatoire. La condition obligatoire. Et donc, barakallahu fikoum, les frères, encore une fois, on voit de plus que notre religion nous pousse à faire des efforts, à ne pas rester là à attendre comme ça. À faire des efforts. Le monde dans lequel on vit nous pousse à la paresse. Hein? Il y a les aides, si tu ne travailles pas, tu as les aides de l'État, tu as si tu restes à la maison et tu restes. Si on n'apprend pas le Coran, c'est pas grave, ma'alish, pendant Ramadan, on va faire venir des Qurra, ils vont réciter pour nous. Etc, etc. Taïb, il faut que nous, on fasse ces efforts. Il faut que nous, on cherche à apprendre. Nous, on cherche à réciter le Coran, le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et d'après Anas Kalalagré, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les gens du Coran sont les rapprochés d'Allah et c'est privilégié, rapporté par Ahmed et Al-Nasa'i. Barakallahu fikoum, les rapprochés d'Allah. Allah, Azza wa Jal, il nous parle de ceux qui sont rapprochés de lui dans son livre. Il nous dit As-sabiqoun, ulaika al-muqarrabun. As-sabiqoun, alors du moins, was-sabiqoun. Qu'est-ce qui est voulu par as-sabiqoun? Ce sont ceux qui se concurrencent et ceux qui précèdent. Ce sont eux qui sont les rapprochés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, il est important, jazakumullahu khairan, qu'on se concurrence. On doit se concurrencer dans le bien. On doit se concurrencer dans la récitation du Coran. On doit se concurrencer dans les bonnes actions. Il y en a, ils vont se concurrencer que dans la dunya. La dunya. Il faut qu'on se concurrence dans les bonnes actions, le Coran. Le chapitre 2, chapitre relatif au fait de mettre en avant les adeptes du Coran et de les honorer. Mashallah. Dans notre religion, on met en avant les adeptes du Coran et on les honore. Celui qui est le compagnon du Coran, il est mis en avant dans le poste d'imam, c'est-à-dire le fait de diriger la prière, mais aussi dans le commandement, le fait de gouverner un pays. Le fait d'avoir un poste à responsabilité concernant la communauté musulmane. L'imam Muslim, il cite dans son Sahih que Nafi' ibn Abd al-Harith, il a rencontré Omar à Asafan. Et Omar, il avait accordé à Nafi' le poste de responsable à Mecca. Et donc Omar, c'était lui le gouverneur, c'était lui le prince des croyants. Et il avait donné à Nafi' le poste de responsable à Mecca. Et donc Omar l'a rencontré Nafi' dans une autre ville et lui a dit Man ista'malta ala ahli al-wadi. À qui as-tu donné le poste de responsable? À la Mecque. Puisque là tu es avec moi là. Tu n'es pas à la Mecque alors que tu es le responsable à la Mecque. Et donc à qui tu as confié la responsabilité de te remplacer là-bas à la Mecque? Écoutez ce qui suit. Qala ibn Abza. Nafi' il a répondu à Omar en disant ibn Abza. Omar lui dit man ibn Abza. C'est qui ibn Abza? C'est qui? Alors la Nafi' lui dit Mawla min Mawalina. Ça veut dire quoi Mawla? Mawla. Mawla, ça va être utilisé, c'est un mot qui va être utilisé pour désigner un esclave. Ou alors quelqu'un qui était esclave et qui a été libéré. Et donc ici, cet homme, il dit qu'il a confié cette tâche, ce poste, responsabilité de gérer la Mecque en son absence à un esclave ou alors un esclave qui a été libéré. Alors Omar, lorsqu'il entend ça, il lui dit quoi? Istakhlafta alayhi mawla? Tu as donné autorité sur eux, donc les gens de la Mecque, tu as donné autorité à un esclave sur eux ou à un mawla, quelqu'un qui a été libéré de l'esclavage sur eux? Il a répondu quoi, Nafi'a? Il a dit innahu qari'un li kitabillah. Il a dit, c'est une personne qui est un récitateur du livre d'Allah. Et c'est un savant dans Al-Fara'id, la science de l'héritage. Alors là, Omar, il lui a dit, Inna nabiyakum sallallahu alayhi wa sallam aqal, Inna Allah yarfa'u bihada al-kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Omar il a dit, certes, votre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah, par la cause de ce livre, il élève des gens et il rabaisse d'autres. Il élève des gens et il rabaisse d'autres. Un esclave commandé des gens qui sont libres. Ou alors quelqu'un qui a été libéré de l'esclavage, donc qui est dans une situation qui n'est pas une situation d'aisance. Et c'est lui qui commande. Pourquoi? Parce que c'est lui, il lit le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jal élève en degré des gens par ce livre. Pourquoi? Parce que ces gens-là œuvrent avec le livre d'Allah. Ils œuvrent avec le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, le cheikh il nous dit, rahmahullah, les récitateurs du Coran participaient aux assises de Omar, radiallahu anhu. Qu'il soit vieux ou jeune. Les assises de Omar, c'est-à-dire les assises pour prendre les décisions du pays. Omar, il était gouverneur, il avait des assises pour prendre des décisions concernant la direction du pays. C'était qui? Ceux qui étaient avec lui? C'était ceux qui lisaient le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, les récitateurs, ceux qui connaissaient le livre d'Allah. Et normalement, c'est pareil pour tous les postes à responsabilité. Voilà pourquoi je le dis haut et fort. Les responsables des mosquées, normalement, ce sont eux qui sont censés apprendre le plus. Vous avez un poste à responsabilité concernant la communauté musulmane. Et donc, il faut être capable de prendre les bonnes décisions religieuses. Et donc, ça demande quoi? Qu'on apprenne. Ça demande qu'on apprenne notre religion. Et ça, c'est très très important, que ce soit pour la mosquée de Balata, que ce soit pour la mosquée du Nord, et pour les autres mosquées qu'il y aura en Martinique, bi'idnillahi ta'ala. C'est très important que les responsables de la mosquée, ils apprennent leur religion, afin de pouvoir prendre les bonnes décisions concernant la communauté musulmane. Combien de graves erreurs ont été commises dans des mosquées à cause de l'ignorance? À cause de l'ignorance. Combien de graves erreurs? Et donc c'est très important, jazakoum Allah khair, un sujet à ne pas prendre à la légère. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, Alladina in makkannahum fil ard aqamu salat wa atawu zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Ceux dont si on leur donne autorité sur terre, ils accomplissent la prière, ils s'acquittent de l'aumône, ils ordonnent le bien et interdisent le mal. Comment veux-tu ordonner le bien, interdire le mal si tu ne connais pas c'est quoi le bien et c'est quoi le mal? Et donc toute personne, les savants, le très savant, le cheikh Rabi Hafidahullah, il nous dit ici, concernant ce verset, tous ceux qui ont des postes à responsabilité concernant la communauté musulmane sont concernés par ce verset. Tous ceux. Comment est-ce que tu veux appeler les gens de la communauté musulmane au bien et leur interdire le mal si tu ne sais pas c'est quoi le bien et c'est quoi le mal? Et donc, il faut que tu apprennes ta religion. Il faut apprendre. On continue, Inch'Allah, ta'ala. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah. C'est quoi le verset? Al-ladina idmakkannahum fil ard. En plus, je n'ai pas cité cette fois-ci. On va chercher tout de suite. Il y a le numéro du verset. Alors. Makkannahum fil ard. Alors. Alladhina idmakkannahum fil ard aqamus salata wa atawuz zakat. Alors, sourate Al-Hajj, le verset numéro 41. C'est la sourate numéro 22. Sourate numéro 22, le verset 41. Wafika barakallah. D'après Abu Mas'ud, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui récite le mieux le livre d'Allah dirige la prière. S'ils sont égaux dans la récitation, alors le plus savant concernant la sunna. S'ils sont égaux concernant la sunna, alors le plus ancien dans l'émigration. Certains savants nous disent que ce qui est voulu par l'émigration aussi, c'est aussi le repentir. C'est aussi le repentir. S'ils sont égaux dans l'émigration, alors le plus âgé. Subhanallah. Vous constatez qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala, par la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en avant celui qui a le plus de connaissances et celui qui a fait le plus de bien par rapport à l'âge. Les savants nous disent pourquoi. Parce que celui qui a mémorisé le Coran, celui qui a mémorisé la Sunna, etc., cette personne a fait des efforts pour cela. Par contre, celui qui est plus grand que l'autre en âge, ce n'est pas ses efforts qu'il a fait, c'est Allah qui a décidé que tu vas naître avant un tel. Allah, il a décidé que tu nais telle année, que l'autre, il va naître 5 ans après toi. Toi, tu n'as rien à voir dans cela. Ce n'est pas comme l'autre qui a fait des efforts, etc., etc. Et donc ici, ceux-là, ils vont être mis en avant pour diriger la prière. Il continue. Et dans une autre narration, alors le plus ancien en islam, et que l'homme ne dirige la prière à l'endroit où un autre détient l'autorité. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir à un endroit, par exemple, moi personnellement, je vais être imam à Sainte-Marie. J'arrive ici, il y a Cheikh Baké qui est ici, qui est imam. Moi, je ne vais pas venir et je dirige la prière ici. Si je dirige la prière ici, c'est Cheikh Baké qui me dit « Vas-y Abdelkarim, vas-y, bismillah. » Sinon, je ne veux pas venir m'avancer comme ça. Non, c'est lui qui dirige la prière ici. Aujourd'hui, je viens, il y a Issa qui m'invite chez lui. C'est Issa qui a autorité chez lui dans sa maison, ce n'est pas moi. Issa m'invite chez lui, on mange, etc. L'heure de la prière arrive, on doit prier. C'est lui qui dirige la prière, ce n'est pas moi. C'est lui qui dirige, il est chez lui. Sauf si lui, il me dit, Tafat dans l'Abdelkarim, vas-y, dirige. À ce moment-là, j'y vais. Mais il faut respecter cela. Et donc, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il ne s'assied pas chez lui, à sa place, sans sa permission. Rapporté par un musulman. Et donc, tu ne vas pas arriver chez quelqu'un et tu t'assieds à la place que tu décides, comme ça. Non, l'adab, le bon comportement, ton frère, il t'invite à la maison, tu attends qu'ils te disent « mets-toi là ». Parce que parfois, peut-être, il y a certaines places qui vont donner vue sur quelque chose que tu ne dois pas voir. Et donc, tu attends qu'ils te disent « mets-toi là ». Ou peut-être qu'il y a son père qui veut arriver, il veut laisser une place spéciale pour son père ou autre. Et donc, tu attends que ton frère il te dise « mets-toi là ». Ça, c'est le bon comportement qu'on doit avoir lorsque notre frère nous invite à la maison, chez lui. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est concernant le poste d'imam. Est-ce qu'on met en avant le récitateur ou le savant? Est-ce qu'on met en avant celui qui récite le mieux le Coran? Ou alors on met en avant celui qui comprend le mieux le Coran? Hein? comprend le mieux, non? Comprend le mieux, récite le mieux. Récite le mieux. Pour le poste d'imam, pas pour le poste. Pas pour, oui, pour le poste d'imam. D'après ce que tu as dit, c'est un de sens. Hein? Celui qui connaît mieux, qui récite le mieux, ouais, dérive la prière. Mais l'imam, il ne dirige pas là. Il ne veut pas que. Quoi? Moi, je parle de poste d'imam pour diriger la prière. Et donc, on met en avant qui? C'est lui qui récite le mieux. Et donc, ici, voilà qu'Allah fikoum, il y a un sujet de ça, c'est un sujet de divergence. C'est un sujet de divergence. La majorité des savants, donc, ils nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à Abu Bakr de diriger la prière. Il a ordonné à Abu Bakr de diriger la prière, alors qu'il y avait parmi les gens des personnes qui connaissaient mieux le Coran que Abu Bakr. Al-Bukhari, rahimahullah, il cite dans son sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Khudhul Quran min arba'a. Prenez le Coran de quatre personnes. Prenez le Coran de quatre personnes. Ensuite, il a cité les quatre: Abdullah ibn Mas'ud, wa Salim Mawla Abi Hudayfa, wa Mu'ad ibn Jabal, wa Ubay ibn Ka'b. Il n'a pas cité Abu Bakr. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Abu Bakr de diriger la prière. Et donc ces savants-là, la majorité des savants, ils voient que celui qui va être mis en avant, c'est celui qui comprend le mieux, le savant, pas le récitateur. Ils nous disent pourquoi? Parce que la salat, elle a besoin de fiqh, elle a besoin de compréhension. Si tu as un oubli pendant la salat, tu oublies, il faut que tu fasses la différence, si c'est un pilier, si c'est une obligation, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je fais sujoud de sahw, à quel moment je fais sujoud de sahw, etc., etc. La salat a besoin de connaissances. Ils nous disent, la récitation, c'est que dans le premier pilier, ou du moins c'est que dans un pilier la récitation. Un pilier de la prière. Quel est ce pilier? C'est le moment où tu dois réciter le Fatiha. C'est là qu'il y a besoin de la récitation. Tout le reste de la prière, il n'y a pas besoin de récitation. Et donc la prière, ils nous disent, la prière, elle a besoin de fiqh, de compréhension. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Mais l'avis le plus juste, barakallahu fikoum, c'est l'avis de l'imam Ahmed. C'est l'avis de l'imam Ahmed. Quel est l'avis de l'imam Ahmed? C'est que on va mettre en avant celui qui récite le mieux. On va mettre en avant celui qui récite le mieux. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est ce qui est en accord avec ce hadith. Qu'on vient de voir, le prophète il nous a dit, celui qui récite le mieux le Coran, c'est lui qui dirige la prière. Donc premièrement, cet avis, c'est lui qui est en accord avec donc, ce hadith. Deuxièmement, concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait demandé à Abu Bakr de diriger la prière alors qu'il y avait d'autres qui connaissaient mieux que lui concernant le Coran, alors les savants nous disent ce qui est voulu par là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de sa vie, il a voulu montrer que c'est Abu Bakr qui allait être le gouverneur après lui. Et c'est pour cela qu'à chaque fois qu'on parle du fait que Abu Bakr, il devait être le gouverneur après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète lui-même a montré cela, on va citer plusieurs ahadiths. Plusieurs ahadiths. Et parmi ces ahadiths, il y a celui-là. Le fait que le prophète, il a ordonné à Abu Bakr de diriger la prière. Parce que c'est lui qui va être le gouverneur après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'était pour cette raison. Et ensuite, ils nous disent les savants. Donc, mais attention, il y a une condition, c'est que le récitateur, il connaisse les règles de la prière. Si le récitateur connaît les règles de la prière, c'est-à-dire s'il oublie un pilier, s'il oublie une obligation, qu'est-ce qu'il doit faire, etc., etc. S'il connaît ça, alors il est mis en avant, c'est lui qui dirige, c'est pas le savant. C'est lui qui dirige. D'accord? Et donc ça, c'est l'avis le plus juste. Incha'Allah ta'ala. L'auteur qui continue, rahimahullah, et d'après Jabir radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam réunissait deux hommes parmi les victimes de la bataille de Uhud. Il les mettait, ici, il les mettait dans une même tombe. Puis il disait, lequel des deux a le plus mémorisé le Coran? Et donc, dans la bataille de Uhud, il réunissait deux hommes dans la même tombe. Mais avant de les mettre dans la même tombe, il demandait lequel des deux a mémorisé le plus du Coran. Et quand on lui montrait l'un des deux, il le mettait en premier dans la tombe. Et donc ça nous montre, barakallahu fikoum, on a vu précédemment que celui qui mémorise le Coran, il est mis en avant concernant donc les actes d'adoration, le fait de diriger la prière. Il est mis en avant concernant donc le commandement, l'autorité dans le pays. Et il est mis en avant même dans El Barzakh, dans la tombe. Même dans la tombe. Et donc ça nous montre que celui qui est le compagnon du Coran, il est mis en avant. Dans notre législation, dans notre religion, le compagnon du Coran, on le met en avant. Et ça, c'est très important. Et d'après Abu Moussa, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes, il fait partie des marques de vénération envers Allah, le fait d'honorer le musulman qui a des cheveux blancs. Le fait de respecter celui qui est âgé. Ça, c'est important, ça, barakallahu fikoum. On respecte celui qui est âgé. Comme il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Laysa minna man lam ya'rif qadra kibirina » Il ne fait pas partie des nôtres, celui qui ne connaît pas le rang de celui d'entre nous qui est âgé. Et donc, tu dois respecter ceux qui sont plus âgés. Et donc ici, c'est une marque de vénération envers Allah tabaraka wa ta'ala, le fait d'honorer le musulman qui a des cheveux blancs, ainsi que celui qui mémorise le Coran, sans qu'il ne soit exagérateur ou négligent en cela, et celui qui détient le commandement. Ici, barakallahu fikoum, il y a un point que l'auteur il n'a pas cité. Moi, je vous ai traduit les propos de l'auteur. Sauf que dans le hadith, quand on retourne dans le hadith à la base, il était cité un point important, c'est pour ça que je vous ai laissé, donc, on ne dit pas entre parenthèses là, c'est entre, j'ai oublié le nom. Et donc ici, je vous ai laissé ces crochets là, c'est pour qu'on complète le hadith en fait. C'est-à-dire ici, ce qui était voulu, c'était le fait donc de respecter celui qui détient le commandement en étant juste. C'est pas n'importe qui détient le commandement. Il y en a qui vont détenir le commandement, mais qui ne sont pas justes, qui ne vont pas respecter donc la législation. Et donc ce hadith, donc rapporté par Abu Daoud, et donc hadith correct rapporté par Abu Daoud. Barakallahu fikoum, dans la chaîne de transmission de ce hadith, il y a Abu Kinana. Il y a Abu Kinana dans la chaîne de transmission du hadith, et il est inconnu. Il est inconnu. Cependant, le hadith, il y a d'autres hadiths qui vont renforcer celui-ci. Et voilà pourquoi certains savants ils vont dire qu'il est correct en rassemblant toutes les chaînes de transmission. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Abu Daoud, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc celui qui n'est pas miséricordieux envers les petits, nos petits, et qui ne reconnaît pas le droit des grands, celui-ci ne fait pas partie des nôtres. Celui-ci ne fait pas partie des nôtres. Et aussi, il y a dans ce hadith, barakallahu fikoum, que la personne qui mémorise le Coran, il y a certains points importants à prendre en compte. Parce que ce Coran, ça va être une preuve contre lui ou pour lui, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Quran, hujjatun laka aw alayhi. Voilà pourquoi mon conseil que je donne aux frères, notamment les arabophones, ou même ceux qui ne sont pas arabophones, parce que maintenant, alhamdoulilah, il y a des cours de tafsir qu'on trouve un petit peu partout, alhamdoulilah. Et ceux qui veulent demander, il y a des cours de tafsir sur mon site, si vous voulez, je peux vous en envoyer à chaque fois. C'est que celui qui est enfant, on va lui demander de mémoriser le Coran. On va lui dire, apprends, mashallah, Bakara, Ali Imran, vas-y, apprends tout ce que tu peux apprendre, jusqu'à ce qu'il finisse le Coran. Parce que lui, celui qui est enfant, il n'est pas responsable d'œuvrer avec ce Coran. Il ne prend pas de péché. Maintenant, toi, il ne faut pas que tu fasses en sorte que le Coran soit une preuve contre toi. Et donc, apprends petit à petit, et tout ce que tu apprends, cherche à le comprendre et à le mettre en œuvre. C'est comme ça qu'ils faisaient les sahaba. Ils disaient, on ne dépassait pas 10 versets. On ne dépassait pas 10 versets. Et donc, ils apprenaient, ils cherchaient à comprendre, ils mettaient en pratique, et après, ils allaient vers d'autres versets. Et donc ça, c'est important, barakallahu fikoum. Il n'est pas responsable tant qu'il n'est pas majeur, tant qu'il n'est pas pubère, il n'est pas responsable. Ce qui est voulu par responsable, mukallaf, c'est-à-dire il n'est pas pécheur si il ne fait pas la salat. Il n'est pas pécheur pour toutes les contradictions qu'il y a avec le Coran. Il n'est pas pécheur. Et donc, ce petit-là, les savants nous disent, les petits, ils peuvent apprendre. Raconte-toi en tant qu'adulte. Lorsque tu apprends, c'est-à-dire lorsque tu mémorises le Coran, il faut que tu cherches à le comprendre. C'est pas normal qu'on ait parfois des frères qui mémorisent le Coran en entier, mais ils ne le comprennent pas. Et donc c'est important, le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait descendre ce Coran pour qu'on médite sur son livre. Pour qu'on médite sur son livre et qu'on le mette en pratique. Si tu ne le comprends pas, comment tu vas le mettre en pratique ? طيب مباركة الله بإذن الله تعالى ونقرأ tout à l'heure إن شاء الله وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا